C'est l'une des clés du déconfinement et pour éviter à tout prix l'arrivée d'une deuxième vague épidémique, outre bien sûr le maintien de la distanciation physique et des gestes barrières, ce serait le suivi social numérique, autrement appelé tracking social, à savoir une application sur votre téléphone qui enregistre anonymement vos déplacements et les personnes avec qui vous avez été en contact et qui vous prévient si jamais l'une de ces personnes est testée positive à la Covid. Application qui aurait par ailleurs permis à plusieurs pays asiatiques de juguler l'épidémie, oui mais, parce qu'il y a toujours beaucoup de mais avec le traçage social, à quelles conditions est-ce que c'est vraiment utile et quid des libertés individuelles ? Application de suivi, traque-moi si tu peux, c'est le programme surveillé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et pour évoquer toutes ces questions, comment ça marche, quelle sécurité, quelle utilité, nous avons le plaisir de recevoir pour cette troisième émission, donc en direct du studio de France Culture, nos deux invités qui sont bien distanciés physiquement. Bonjour Benjamin Bayard. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la Quadrature du Net, coprésident de la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif et Emmanuel Thomé, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur INRIA dans l'équipe Cacao à Nancy. Pour commencer, eh bien, justement, pour parler de ce fameux logiciel que nous devrions peut-être un jour installer à l'invitation du gouvernement, je vous propose de réécouter ce qu'en disait Édouard Philippe, le Premier ministre, devant les députés. C'était le 28 avril dernier. Pourrons-nous ou devrons-nous, afin d'être plus efficaces, nous appuyer sur les ressources extraordinaires des outils numériques ? Un consortium européen a lancé un travail devant permettre la création de l'application Stop Covid, dont l'utilité ne peut s'envisager que de façon complémentaire à ce que je viens de décrire. Complémentaire parce que les enquêtes sanitaires que j'ai décrites, qu'elles soient physiques ou téléphoniques, sont vitales, mais présentent une faiblesse. Elles se heurtent parfois, dans les centres urbains, à l'impossibilité de reconstituer les chaînes de transmission dans les lieux les plus denses et notamment dans les transports en commun. Difficile de prévenir celui qui a partagé votre rame de métro à 7h46 sur la ligne 12. Vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas et la RATP ne connaît ni l'un ni l'autre. C'est l'objet du projet Stop Covid qui permettrait aux personnes qui ont croisé une personne testée positive d'intégrer un parcours sanitaire. Sans bien entendu avoir aucune information sur l'identité de la personne croisée. Voilà Édouard Philippe qui explique cette application Stop Covid. Je vais vous laisser réagir l'un et l'autre puisque effectivement les arguments avancés par le Premier ministre semblent tomber sous le sens. Qu'en pensez-vous Emmanuel Thomé ? Alors le principe d'une application de traçage, effectivement, vous l'avez décrit en introduction, c'est d'essayer de détecter la présence de personnes autour de nous et, a posteriori, lorsqu'une personne apprend qu'elle est malade, faire en sorte que l'information soit communiquée aux autres personnes avec qui elle a été en contact et on pourra détailler un petit peu la façon dont ça fonctionne. Après, ce que nous dit le Premier ministre, ce qu'il nous disait il y a 15 jours, effectivement, c'est que un cas d'application, ça peut être les transports en commun. Transports en commun où aujourd'hui on nous demande de porter des masques de protection. Donc on peut se poser la question de savoir est-ce que cette application va pas nous envoyer une énorme quantité d'alertes qui sont des fausses alertes peut-être. Benjamin Bayard, effectivement, on va reparler des autres pays, mais effectivement, les gens que l'on croise quand on est dans les transports en commun, dans la rue, dans les queues de supermarché, avec qui on peut être à des contacts relativement rapprochés, eh bien si ces personnes deviennent malades, on ne peut pas les retrouver. Ça peut paraître relativement sensé de dire que grâce à une application, on peut effectivement comme ça remonter la chaîne de contamination et éviter qu'elle ne se diffuse à nouveau largement dans la population. Alors, sensé, oui. Est-ce que ça peut être au moins partiellement efficace ? Peut-être. Pour moi, la vraie question, c'est que le fait que ce soit potentiellement efficace n'est pas une condition suffisante. Je ne sais pas trop comment expliquer. Le problème que me pose cette application n'est pas tellement un problème technique, c'est un problème philosophique. On est encore en train d'utiliser du numérique pour mesurer les gens, pour millimétrer les gens, pour les faire rentrer par la technique dans une forme d'obéissance, pour leur faire baisser la tête et qu'ils rentrent dans une règle. On est vraiment dans un usage du numérique pour surveiller les gens et pour les domestiquer, pour les dresser. C'est, à mon sens, un des usages négatifs du numérique. On va bien sûr avoir le temps de détailler un peu cette opinion, parce qu'on peut évidemment vous opposer le fait que lorsqu'il s'agit de sauver des vies, d'éviter la propagation d'une épidémie qui peut conduire à de nombreuses à de nombreuses personnes contaminées et donc in fine à de nombreux morts, le moyen en vaut peut-être la chandelle de façon exceptionnelle tout de même, Benjamin Bayard. Globalement, je suis d'avis que non. À moins de situations véritablement extrêmes, quand on vient m'expliquer que la fin justifie les moyens, ça tend à me rendre méfiant. Par exemple, si je me permets un parallèle un petit peu rapide, au début de l'épidémie de HIV, certains bancs politiques proposaient qu'on regroupe les malades du HIV dans des camps fermés, qu'on pourrait appeler de concentration. Il y a peut-être là aussi un écart entre évidemment regrouper des malades pour éviter qu'ils ne diffusent la maladie et avoir des usages numériques qui permettent de remonter l'échelle de contamination. Mais on va revenir sur ce débat. On va revenir sur ce débat. Peut-être un mot tout de même avant cela, c'est que on nous a beaucoup vendu ces dernières semaines, Emmanuel Thomé, le fait que dans certains pays d'Asie du Sud-Est, justement, l'épidémie aurait pu en partie être contenue grâce à ce système de suivi social qui pose manifestement dans ces pays beaucoup moins de problèmes éthiques ou philosophiques qu'ils n'en posent dans les nôtres. Aurait pu, peut-être, c'est possible. Après, on peut aussi apporter le point de vue complémentaire. Apparemment, Singapour est en train de faire un petit peu marche arrière sur le principe des applications de traçage. Un autre aspect est que, effectivement, vous l'avez dit, les applications qui ont été déployées, que ce soit à Singapour ou en Corée du Sud, sont effectivement un petit peu, comment dire, plus envahissantes pour les individus, et ouvrent la porte à des risques de mauvais emploi, de dévoiement qui sont quand même assez importants, ce qui a donné lieu à des sortes de chasse aux sorcières. Des gens malades, ça a été rapporté en Corée du Sud, par exemple, c'est des choses qui sont tout à fait inquiétantes. Alors, pour bien comprendre, avant de poursuivre ce débat, parce qu'on voit que ça a effectivement des implications assez fortes en termes de liberté individuelle, de suivi, de contrôle de la population, j'aimerais qu'on décrive exactement ensemble de quoi il s'agit, quelles sont les informations que l'on va pouvoir donner, envoyer, récolter, qui va les traiter. On va en parler dans un instant. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Vous écoutez la méthode scientifique en direct à 16h10 sur France Culture. Nous parlons de suivi, d'application de suivi, de traçage social pour lutter en l'occurrence contre l'épidémie. Mais on va évidemment élargir cette question. Nous en parlons avec Benjamin Bayard et Emmanuel Thomé. Pour commencer, peut-être simplement, qu'est-ce que c'est que cette application Stop Covid, dont on a entendu le Premier ministre nous parler? Comment ça fonctionne exactement? Qui veut expliquer? Emmanuel Thomé, pour commencer. Oui, je peux Emmanuel Thomé, puis Benjamin Bayard, vous compléterez. Je peux donner un descriptif. Le principe qui est proposé pour ce genre d'application de traçage, c'est de faire en sorte que les téléphones qu'on a dans la poche émettent régulièrement des signaux, donc servent d'émetteurs, hein, de signaux qui sont changés régulièrement, et que ensuite ces téléphones, par le même temps, enregistrent les signaux de la même nature qu'ils reçoivent. Donc, ce qui fait qu'à la fin de la journée, on a dans notre téléphone toute une mémoire des signaux qu'on a reçus, qui sont a priori les signaux des personnes avec qui on a été en contact, à une distance qui est la portée typique du Bluetooth, qui est la technologie utilisée. Si après plusieurs jours, je constate que je suis malade, mon application Stop Covid aura cette connaissance de la liste des signaux qu'elle a reçus. Et moi, en tant que malade, je pourrais dire voici tous les signaux que j'ai reçus. C'est tous ces signaux que j'ai reçus, je pourrais les communiquer à une autorité de santé qui, elle, saura quelles sont les personnes qui ont été en contact avec moi. Ensuite, périodiquement, un autre individu peut demander à l'autorité de santé voici les signaux que moi j'ai émis ces derniers jours, ont-ils été reçus par une personne qui a récemment été déclarée malade ? Mmh. Donc ça, c'est le principe général. Il y a deux idées qui vont dans la direction d'essayer de faire ça, de faire de cela quelque chose de relativement anonyme. C'est, dans un premier temps, le fait que les données qui sont échangées par les téléphones changent régulièrement. Il n'y a pas écrit Emmanuel Thomé dans ce que l'application envoie, mais il y a 937 4PY quelque chose. Ça, c'est la première chose. Et, on parle de pseudonymisation, c'est ça ? Oui, on parle de pseudonymisation, c'est un très vilain mot. d'autre part, il y a l'emploi de la technologie Bluetooth par opposition au fait d'employer des technologies de localisation. De GPS, donc. De GPS. Alors, on va revenir sur cette distinction Bluetooth-GPS et sur ces choix, hein, parce que tous les pays n'ont pas choisi cette méthode-là. Peut-être un mot pour bien qu'on comprenne, Benjamin Bayard, parce que là, on entend que le téléphone ou l'application fonctionnerait un peu finalement toute seule, sans notre consentement ou sans notre avis. Enfin, je veux dire, tout d'abord, c'est sur la base du volontariat, c'est-à-dire que si je souhaite télécharger l'application, je la télécharge ou non. Et par ailleurs, tout ça est sur une base de déclaratif, tout est pseudonymisé, donc c'est-à-dire que normalement et a priori les gens, et je parle sous votre contrôle, vous allez me dire ce que vous en pensez, qui ont regardé un peu sur le code et sur le développement assurent qu'effectivement l'anonymat est bien préservé et que ces données-là ne peuvent pas être exploitées pour d'autres choses. Voilà, est-ce que vous pouvez nous faire un peu un tour d'horizon de la manière dont cet instrument fonctionne et des barrières ou des garde-fous de sécurité qui ont pu y être implémentés? Alors il y a quelques garde-fous intéressants. L'air de rien, moi je considère que cette application est extrêmement néfaste, mais si une application de ce type doit exister, celle-là est probablement la moins sale possible. Parce qu'elle présente pas mal de garde-fous, relativement fragiles cependant. Je prends quelques petits exemples. Alors d'abord, pour moi, c'est pas du pseudonymat. Du pseudonymat, c'est quand je m'inscris sur un forum et que je choisis un pseudonyme et je décide que je vais m'appeler GrosLoulou73. Et ça, c'est un pseudonyme. Ce que choisit l'application, c'est vraiment un identifiant aléatoire. C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est pas moi qui ai choisi Benjamin 1, Benjamin 2, Benjamin 3. Ce sont des identifiants complètement aléatoires et suffisamment longs pour qu'il n'y ait pas de doublons. C'est vraiment aléatoire. Il y a plein de petits risques. Par exemple, c'est sur la base du volontariat. Ouais, pour le moment. Jusqu'à preuve du contraire. Il y a des pays dans lesquels c'est devenu curieusement obligatoire. Ça peut être sur la base du volontariat, sauf si, par exemple, la région Île-de-France décide que seuls les gens qui ont cette application peuvent prendre les transports en commun en Île-de-France. Vous voyez, il y a plein de... C'est un garde-fou qui est extrêmement léger. Tout à fait, mais pour le moment, pour jouer un peu l'avocat du diable, Benjamin Bayard, les pays qui ont instauré ces mesures-là ou ces applications obligatoires sont des pays avec des régimes qui sont nettement plus autoritaires que les nôtres. On pense à la Chine, notamment. Ouais, ou à la Corée du Sud, ou à Singapour, ou enfin c'est pas. Je ne crois pas que la Corée du Sud ait rendu l'application obligatoire pour l'ensemble des citoyens. Il me semble que Singapour a des mouvements qui vont pas dans le bon sens là-dessus. Peut-être que les mouvements vont pas dans le bon sens, mais Singapour, je crois avoir le souvenir aussi que seuls 17% de la population avait adhéré justement à l'utilisation de l'application, ce qui va dans le sens inverse d'une obligation. Et on peut avoir ce que j'appelle l'obligation faible. C'est-à-dire typiquement que mon patron n'accepte que je vienne à l'usine que si j'ai l'appli et si elle dit vert. Mmh. Et du coup, si je ne mets pas l'appli sur mon téléphone, je ne touche pas ma paye. Donc ça, c'est une forme d'obligation sociale, si je puis dire, qui peut être très dommageable à certains moments. Voilà, mais qui est hypothétique dans notre pays encore, faut le préciser. Pour le moment. Pour le moment, oui. Pareil, dans les éléments relativement dangereux, alors il y a deux éléments. Il y a ce qui relève de la sécurité informatique et puis il y a ce qui relève de la sécurité humaine. Typiquement, dans les abus, il y a celui que je viens de citer, et en fait, il y en a potentiellement d'autres. Il y a eu pas mal d'articles écrits là-dessus, sur tous les usages abusifs qu'on pouvait faire de ce type d'application. Par exemple, si j'arrive à extraire la liste des identifiants que vous avez croisés, et que j'arrive à extraire la liste des identifiants que un tel a croisé, je peux rejoindre les deux et regarder si vous vous êtes croisés. Dans le cadre, par exemple, d'un conjoint jaloux, ça peut créer des difficultés. Alors là, je vais vous apporter la contradiction, Madame Maillard. L'idée, c'est que évidemment, tout cela est théorique, hypothétiquement, mais pour pouvoir croiser ces références, il faut avoir un certain niveau, un certain degré de connaissance informatique. Enfin, je veux dire, ça n'est pas accessible au commun des mortels de pouvoir rentrer et de croiser ces données pour pouvoir surveiller un conjoint ou une conjointe volage ou qu'on imaginerait volage. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres moyens quand même plus simples d'en arriver à ces fins que de hacker des téléphones et des identifiants anonymes pour réussir à trouver ou à tracer des personnes, non? C'est pas si évident que ça. D'abord, c'est pas forcément très compliqué informatiquement. Ça dépendra de comment est développée l'application. Et pour le moment, je m'avancerai pas sur le fait que ce soit très solide. Et surtout, c'est typiquement les informations qu'on trouve facilement sur des forums en trois recherches. Et enfin, hacker le téléphone de son conjoint dans le cadre des gens jaloux et abusifs, c'est extrêmement courant. Alors, ça c'est pour disons les apories ou les trous de sécurité. Vous disiez tout de même, je vais essayer de vous amener dans le sens un peu inverse pour qu'on comprenne. Non, mais vraiment qu'on ait une vision un peu globale des tenants et des aboutissants de ce type d'application de suivi social. Vous disiez pour une application de suivi social, elle est plutôt bien faite ou mieux faite. C'est-à-dire que elle est tout de même, l'anonymisation fonctionne, il y a tout de même des garanties que ces données ne vont pas être utilisées par mons et par vos ou redistribuées soit par un État qui voudrait surveiller, soit par des entreprises qui voudraient les monétiser. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un cadre qui a l'air relativement, je vais employer un anglicisme, parce que c'est le premier qui me vient, safe, ou en tout cas, voilà, oui, safe, je ne sais pas comment dire autrement. Pour le coup, on est dans un cadre qui est quand même relativement propre. Propre, voilà, si vous voulez. Tout ce que j'ai pu voir sur le sujet, alors il y a des applis qui sont très très sales, je ne sais pas si on attaque la partie GPS tout de suite, mais c'est l'autre approche. Je vais peut-être décrire en deux mots ce que Bien c'est sûr. L'approche par GPS. Que ce soit GPS ou autre d'ailleurs, il y a toujours moyen de géolocaliser un téléphone. Quand un téléphone mobile, même les plus anciens, les plus bas de gamme, il n'y a pas besoin d'un smartphone, même les très très vieux, ils sont forcément accrochés à une antenne mobile, et on sait laquelle. Ils sont en fait en moyenne accrochés à 4, 5, 6 antennes mobiles. Et en fait, le téléphone qui était à peu près 800 mètres de telle antenne, et à peu près 2,5 km de telle autre, et à peu près 900 mètres de telle autre, on sait quasiment au mètre près où il était. Ça s'appelle trianguler. Ça s'appelle trianguler. On peut donc assez facilement, à partir de ces données-là qui sont conservées par les réseaux téléphoniques, trouver la position au mètre près de chaque téléphone. Et donc ça permet, par exemple, si telle personne a été malade et qu'on sait qu'entre telle heure et telle heure, tel jour, juste avant de déclarer les symptômes, elle était dans tel restaurant, on peut retrouver tous les gens qui étaient à moins de 100 mètres du restaurant. Qui possédaient un téléphone. Et qui possédait un téléphone portable, c'est-à-dire quand même une très grosse majorité de la population. Ça, c'est extraordinairement efficace. En revanche, c'est extraordinairement intrusif dans la vie privée. Aucune des démocraties occidentales en Europe n'accepte cet usage-là. Il est considéré comme illégal en Europe par tous les pays, il y a des directives européennes là-dessus. Géolocaliser la totalité de la population, c'est interdit. Mais c'est typiquement les applications les plus intrusives en Chine, etc., fonctionnent comme ça. En Chine, en Corée du Sud et à Singapour, c'était le Bluetooth aussi. Donc voilà, il y a quelques pays dans lesquels ça fonctionne comme ça. C'est d'ailleurs une des faiblesses en réciproque. C'est comme la solution qu'on a retenue en Europe. Toute l'Europe occidentale a retenu des solutions basées sur le Bluetooth, c'est plutôt propre. Ces solutions relativement propres ne fonctionneront que sur certains téléphones. Et donc, ça en rend l'utilité un peu plus faible. Typiquement, moi, j'ai un smartphone qui a 6 ans. Très clairement, l'application ne s'installera pas dessus. Et si elle s'installe, elle ne fonctionnera pas. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'un petit pourcentage de la population qui pourra l'avoir. C'est toujours ça de prix dans le cadre d'un suivi. Ça permet de casser quelques chaînes de contamination. Mais voilà, ça fait quand même une contrainte sur le fonctionnel. Ce qu'on comprend bien, c'est que la différence entre le GPS et le Bluetooth, c'est que une application GPS vous dit où trouve où est la personne est et quelles étaient les personnes qui étaient autour à un temps donné. Le Bluetooth ne va pas vous localiser géographiquement, mais va localiser, va dire qui sont les personnes que vous avez croisées. Peut-être un mot tout de même, Emmanuel Thomé. Une fois qu'on a envoyé ces données, qu'on a envoyé les données de la journée et de tous les téléphones qui ont été plus ou moins proches en contact. En fait, qu'est-ce qui va se passer concrètement si demain ou après-demain je tombe malade? Est-ce que d'une, c'est à moi de dire je tombe malade, et deux, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes que j'ai croisées depuis combien de temps d'ailleurs? Depuis 15 jours, depuis une semaine, depuis 48 heures? Comment ça se passe en fait à partir du moment où quelqu'un tombe malade? Alors là, le détail n'est pas encore complètement clair, au moins à mes yeux, de ce que j'ai lu. Il y a un protocole qui a été proposé pour le cadre du développement d'une application. Donc on parle de l'application Stop Covid. Le protocole en dessous porte le nom de Robert. En tant que nouveau malade, il est a priori dans mon intérêt d'aller me signaler auprès de mon médecin. Qui peut me proposer de remonter cette information fournie par l'application aux autorités de santé. Il n'a pas été question de rendre cette remontée d'informations nécessaire. Et ensuite, les utilisateurs autres qui s'enquièrent auprès de l'autorité de santé de leur éventuel statut de danger par rapport au fait qu'ils peuvent m'avoir rencontré reçoivent une notification dans leur téléphone, mais c'est pas non plus une mise en demeure d'aller se faire tester tout de suite. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, je peux être chez moi un soir et sans rien demander, sans faire aucune action, recevoir une petite alerte sur mon téléphone en disant « Oups, attention, hier à 15h, vous avez vraisemblablement croisé quelqu'un qui, aujourd'hui, est déclaré malade ». Et ça peut se passer dans ces cas-là, ou est-ce que ce sera quelque chose de proactif, où il faudra demander, aller interroger l'application pour savoir si on a croisé ou pas quelqu'un de malade? À la limite, ça relève de la façon dont l'application est programmée, mais on peut penser que l'application, de façon périodique, sans interaction, se connecte à un serveur et essaye d'obtenir le statut de danger, d'exposition au danger qu'on a eu dernièrement. Ensuite, la notification qu'on reçoit, il y a fort à parier qu'on la reçoive sous une forme un petit peu différente de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il est peu probable que je reçoive une information me disant que hier à 15h12, j'ai rencontré quelqu'un qui était peut-être malade. Ça me dira plutôt, dans les derniers jours, vous avez rencontré quelqu'un qui était peut-être malade. Parce que si l'information 15h12 m'est remontée, mais bien sûr. Peut-être pas génial. Moi, on peut recouper, bien sûr. Savoir s'il faut que je fasse quelque chose. Et à partir de là, surtout, que se passe-t-il ensuite? C'est-à-dire qu'une fois que mon téléphone me dit attention, vous avez croisé quelqu'un de malade, déjà, qui d'autre a cette information? Est-ce que je suis la seule personne à l'avoir? Est-ce qu'un organisme de santé ou l'organisme qui gère justement cette application et les notifications qui sont reçues et envoyées va être au courant du fait que j'ai croisé quelqu'un moi, personnellement, individuellement, Nicolas Martin? Est-ce que quelqu'un va venir toquer à ma porte pour me dire « Ah ben maintenant, monsieur, il faut venir faire un test tout de suite parce que ça va pas du tout, il faut rester enfermé chez vous pendant 15 jours » Comment ça se passe? Ça, c'est... Là encore, c'est pas complètement défini. Si on parle vraiment strictement de l'application de traçage, cette application de traçage laisse ça un petit peu... à la charge de la personne qui met tout ça en musique. Après, si on parle spécifiquement de la façon dont ça s'articule en France avec le système de traçage plus global, on a parlé d'un fichier qui s'appelle CIDEP, etc. Comment est-ce que les deux choses se croisent? Je ne sais pas. Et je ne pense pas que ce soit complètement anodin, ce genre de question. Sur la description vraiment stricte de l'application de traçage, il n'est pas écrit qu'il y ait une remontée d'informations directe vers les autorités de santé. Benjamin Bayard, sur ces questions-là, est-ce que vous avez des éléments? Pour le coup, il y a un élément qui différencie la France des autres pays, c'est que la France a fait le choix d'un système avec un serveur central. Et donc, il y a bien un serveur centralisé dans lequel sont versés les identifiants. Alors, soit des gens malades, il y a plusieurs façons de le traiter, mais soit des gens malades, soit des gens qu'on a croisés. Ça marche dans les deux sens, c'est très symétrique. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer brièvement la différence entre justement ce choix de la France du serveur centralisé et le choix d'autres pays, notamment de l'Allemagne par exemple, ou de la Grande-Bretagne, de modèle décentralisé, donc du coup qui consiste à confier l'information à des sociétés comme Apple ou Google, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence en fait ? Alors, j'ai pas assez regardé, j'ai pas eu accès à assez d'informations ni assez de temps à aller piocher. Je sais qu'il y a une différence là-dessus. Et pour le coup, le fait que ce soit stocké sur un serveur qui soit opéré par l'État et qui soit unique en France, plutôt que sur un serveur opéré par des entreprises privées, c'est pas forcément beaucoup plus malsain que ce soit l'État, quitte à ce qu'il y ait un serveur. Là où la question devient un petit peu plus épineuse, c'est que ce serveur permet de transmettre l'information, donc d'envoyer une notification aux gens, attention, vous avez croisé quelqu'un de malade, ce serait peut-être pertinent d'aller faire un test. Ça, c'est la version la plus soft, si je peux dire. On peut, la plus douce, donc. Voilà, on peut avoir des versions un peu plus dures dans le traitement, parce que on peut envisager que ces informations-là soient recroisées avec le système d'information de suivi dont parlait Emmanuel Thomé, qui est lui un serveur central et qui pour le coup lui est un serveur un système beaucoup plus embêtant en termes d'anonymat, de vie privée, de secret médical, etc. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinairement dangereux. Mais alors attendez, qu'on comprenne bien, ce deuxième serveur, c'est un serveur qui identifie, c'est le serveur finalement, on parle du serveur de l'assurance maladie qui identifie les personnes en fonction de leur pathologie, enfin, c'est quoi le croisement de ces deux serveurs et est-ce qu'il n'y a pas là aussi des garde-fous éthiques qui sont posés dès le début et qui disent qu'il est interdit de prendre les données de l'un pour aller les corréler à l'autre, Emmanuel Thomé? Tous les garde-fous sont pas forcément là, c'est-à-dire qu'il y a des flèches qui vont de l'un vers l'autre. Alors je crois qu'il n'est pas prévu que Stop Covid soit alimenté par CIDEP. Vous pouvez redire ce que c'est que CIDEP exactement? Ok, c'est quoi l'acronyme? Je pense. L'acronyme, c'est pas grave, mais enfin, ce qu'est ce serveur et quel type de données il collecte? Ça collecte des données de santé, de lieux, de je suppose d'âge et de statut de contamination des personnes. J'espère ne pas dire de bêtises à ce sujet, mais la grosse crainte qu'on pouvait avoir, c'est à quel point c'est un immense tableau Excel partagé entre des milliers de personnes qui va nous dire telle personne a été déclarée malade tel jour, etc. Mmh. Donc c'est effectivement particulièrement préoccupant. CIDEP, c'est pour Service intégré de dépistage et de prévention, qui est effectivement une base nominative qui va contenir l'intégralité, qui doit contenir l'intégralité des résultats des tests PCR qui sont réalisés à partir du 11 mai. Voilà. J'avais compris qu'il y avait un garde-fou qui avait été proposé, qui était de ne pas laisser dans cette base en accès aux quelques milliers de personnes tout de même qui peuvent la consulter. Ne pas laisser les données comme nom, prénom et numéro de téléphone. Mais bon, même comme ça, je sais pas si effectivement ce sera mis en place cette protection. Et d'autre part, même comme ça, ça constitue quand même une base de données qui contient certainement les notions d'âge, de ville, etc., de contact un tel avec un tel. Donc ça peut aussi être source de problème. Oui, Benjamin Bayard. Pour le coup, histoire de resituer un petit peu, le suivi de contact, comment ça fonctionne? Il y a tous les gens que j'ai croisés, je suis détecté comme ayant la maladie, et donc on se demande qui j'ai croisé depuis 2, 3 ou 4 jours, selon quand sont apparus mes symptômes, pour prévenir tous ces gens-là. Alors, déjà, il y a tous les gens qui sont dans mon foyer, j'ai pas besoin d'une application pour savoir qui c'est. Il y a mes collègues de bureau, j'ai pas besoin d'une application pour savoir qui c'est. Hier soir, j'ai dîné avec Henri et son mari. J'ai pas besoin d'une application pour savoir qui ils sont. Oui, mais la question, on entendait bien le Premier ministre. Ce sont les transports en commun, c'est le supermarché. Mais tous ces gens-là, pour faire le suivi, ce qui est prévu pour le moment, c'est que, en gros, du personnel s'occupe de les contacter et de leur dire il y a tel problème. de leur dire vous avez croisé quelqu'un qui est potentiellement malade. Mais attendez, le personnel, attendez, je vous interromps, pardon, Benjamin Vaillard, mais c'est juste que normalement, si ces personnes-là ont installé l'application, les alertes, justement, ne passent pas entre les mains de fonctionnaires de l'État ou de gens qui vont taper un petit message sur ordinateur pour prévenir ces gens-là. C'est des messages automatisés, non ? Alors, pour l'application, oui. Mais SIDEP est prévu pour tracer tout ce qui n'est pas l'application, et donc typiquement tout ce que je viens de vous décrire. C'est-à-dire que quand on vous trouve malade, on va vous demander qui est-ce qu'il faut contacter. Ah, il faut contacter Monsieur Bidule, tel numéro de téléphone, Madame Chose, tel numéro de téléphone, tous les employés du magasin Bidule parce que vous êtes allé y faire vos courses, etc., etc. Donc ça, ce sont toutes ces données-là qui risquent bien de finir dans SIDEP, avec des accès relativement larges, qui sont tout ça est tout à fait nominatif, vraiment au premier degré, avec des données de santé pour chacune des personnes. Donc ça, c'est un système extrêmement invasif, beaucoup plus invasif que l'application Stop Covid. Et pour le coup, autant Stop Covid n'est pas encore en service en France, autant l'utilisation de SIDEP pour faire du suivi de contact, ça c'est voté. Ça a été un tout petit peu retouché par le Conseil constitutionnel, qui a retiré, typiquement, ce système devait être accessible à beaucoup trop de services, y compris des services de prestations sociales, de mutuelles, des choses comme ça. Et donc, le Conseil constitutionnel a considéré que ça, non, ça n'allait pas. Mais tout le reste, c'est-à-dire fichiers nominatifs, données conservées pendant au moins 3 mois, c'est-à-dire beaucoup plus que le temps nécessaire pour prévenir les gens, tout ça, c'est voté. Mais alors, je vais vous poser une dernière question sur la crainte que peut faire planer le recoupement de ces informations de l'application Stop Covid avec ces fichiers nominatifs. Déjà, qui pourrait recouper ces informations et dans quel but ? Qu'est-ce que vous craignez in fine ? C'est une question peut-être un peu naïve, mais moi qui suis un citoyen confiant dans la bienveillance de l'État, pourquoi j'aurais peur finalement d'utiliser une application qui doit permettre d'éviter bien plus de contamination et de éventuellement répandre la contamination si moi je l'attrape, ou au contraire de faire attention pour me prévenir que quelqu'un dans mon supermarché m'a peut-être refilé la Covid. Donc de quoi on a peur là ? Benjamin Bayard et Emmanuel Thomé. Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a d'abord, sur le cas de cette épidémie, je pense, je peux me tromper, qu'il n'y a pas énormément à craindre. En revanche, il y a énormément à craindre de généralisation et d'usage sur d'autres épidémies. C'est-à-dire que typiquement, si ce type de système avait existé pour le HIV, il y avait un risque énorme de stigmatisation de la communauté gay, et donc ou des toxicomanes, ou des travailleurs et travailleuses du sexe. Voilà, de populations qui sont plutôt fragilisées et qui sont en danger d'un certain nombre d'actes de haine et d'actes de violence, y compris de la violence exercée par le système. C'est-à-dire que pour le coup, si un fichier existe et si l'État y a accès, il y a souvent moyen qu'il soit utilisé ensuite par tel employeur qui a les bons contacts dans la fonction publique pour faire tester et qui du coup va pouvoir vérifier l'état de ses employés, de ses futurs employés, etc. Donc pour une maladie comme la Covid-19, qui est en moyenne pour la majorité des gens pas très grave et qui ne dure pas très longtemps, c'est moins dangereux que pour toutes les maladies infectieuses plus sérieuses, de plus long terme, plus dangereuses ou plus connotées. Et donc il y a vraiment des risques de dérapage. Je veux dire, sur le principe, maintenir un fichier des gens malades, c'est quelque chose d'extraordinairement dangereux. En moyenne, le système de santé en France fait des efforts colossaux pour que seul mon médecin et moi connaissions exactement ma pathologie. Il y a très très peu de cas où des données sont stockées et très peu de gens y ont accès et les accès sont contrôlés. Typiquement, je ne suis pas du tout serein du fait que je ne sache pas qui y a accédé. C'est-à-dire que si ces données existent, je veux savoir qu'elles existent, je veux les voir dans le site web de la Sécurité sociale, quand je m'y connecte, puisque c'est la Sécurité sociale qui gère ça, c'est dans Amélie. Je veux le voir, je veux savoir qui y a accédé. Si quelqu'un a accédé à ma fiche, je veux savoir qui, quand et pourquoi, etc., etc. Or, pour le moment, tout ça n'est absolument pas garanti. Emmanuel Thomé, quelle crainte, selon vous, justement, bien peut faire planer la possibilité de recoupement, pour revenir vraiment à cette question précise, des données stockées et centralisées par Stop Covid d'une part, et ce fichier SIDEP d'autre part? Alors, je voudrais revenir déjà sur l'aspect centralisé, décentralisé, pour illustrer ces histoires de recoupement. Je disais dans l'exemple du protocole Robert qui serait à la base de Stop Covid dont on parle aujourd'hui. Moi, en tant que nouveau malade, je communiquerai, si je le veux bien, à l'autorité de santé, l'ensemble des signaux émis par les téléphones qui ont été proches de moi et que j'ai reçus dernièrement. Ça, c'est pour le système qu'on appelle centralisé. Dans un système décentralisé, pour faire simple, en fait, on fait à peu près tout la même chose, sauf qu'on regarde des flèches dans le sens inverse. C'est-à-dire que je vais communiquer à l'autorité de santé l'ensemble des signaux que moi j'ai émis. Et qu'est-ce que ça va faire comme information, ça? Ça va faire que l'autorité de santé va publier essentiellement, en libre accès pour tout le monde, la liste de ce que les malades dernièrement déclarés ont émis comme signaux. Donc c'est quelque chose de décentralisé, ça, dans la mesure où tout un chacun pourra comparer, enfin l'application de tout un chacun pourra comparer entre ce qu'elle a reçu et ce qui a été publié comme identifiant de gens malades. Donc c'est, en fait, c'est, d'un certain point de vue, c'est à peu près la même chose, c'est juste que les flèches sont dans l'autre sens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, du coup, dans ce second système, qui est ce vers quoi se dirige, par exemple, l'Allemagne, le risque de recoupement, il n'est pas accessible seulement à un acteur central, il est accessible en fait à tout un chacun. On peut, tout un chacun peut s'introniser chasseur de sorcières des gens malades, ce qui peut quand même être particulièrement compliqué si on se voit refuser l'accès à un supermarché simplement au motif on a été déclaré malade il y a X jours. C'est quand même un très gros problème. Et pour revenir à ma question initiale, parce que je suis désolé de revenir toujours à ça, mais j'entends bien ce que vous me dites et les risques, qu'a évoqué par exemple Benjamin Bayard sur effectivement ce qu'est un fichier de données de santé et à quel point, à un moment donné, eh bien des dérives d'utilisation de ce fichier sont possibles sur des données extrêmement sensibles. Mais si je me remets dans ma position et dans mon costume de personne assez confiante, naturellement, non seulement dans la bienveillance de l'État, mais en plus de la volonté de protéger de ces données pour justement éviter toute forme d'usage frauduleux. Qu'est-ce qu'on craint exactement à l'éventualité ou à la pensée de pouvoir recouper ces données, pseudonymisées ou en tout cas anonymisées de Stop Covid et les données nominatives du fichier médical SIDEP? Benjamin Bayard le disait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on réussit à reconstituer une information vraiment précise sur mon état de santé, que ce soit sur cette pathologie ou effectivement une autre, là on est en train de franchir une ligne rouge. On a quand même pas très envie que ce soit faisable à trop grande échelle, quoi. Et là encore, il y a aussi la question de combien de personnes ont accès à ces données, et si ce sont des accès trop larges, ça devient accessible à une quantité de personnes qui est préoccupante, quoi. You better be careful about what you do. I didn't want to mind the devil watching you. Yes, you better be careful, woman, about every little thing you do. You may go to make grocery in a grocery store, but I wanna tell you, the devil gonna watch you everywhere you go. You better be careful. You know the devil is watching you. little too. You may hide it from me, but the devil is watching you. Devil is watching you. Devil is watching you sur France Culture à 16h40 de Lightning Hopkins, puisque nous parlons alors non pas du diable, mais en tout cas d'une application peut-être diabolique qui pourrait nous surveiller ou surveiller la progression de l'épidémie. Nous parlons de l'application Stop Covid en compagnie de Benjamin Bayard, cofondateur de la Quadrature du Net et co-président de la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif, et Emmanuel Thomé qui est chercheur à INRIA dans l'équipe Cacao à Nancy. Alors j'aimerais qu'on parle un peu également de quelque chose quand même d'important, si ce n'est d'essentiel, c'est de l'efficacité de cette future application qui est encore donc à l'essai, puis on dira peut-être un mot du calendrier de son déploiement, mais peut-être avec encore une fois, messieurs, excusez-moi cette question peut-être un peu naïve, une fois de plus, nous sommes tout de même déjà toutes et tous tracés numériquement, quotidiennement, copieusement, par un certain nombre d'acteurs privés, que ce soit les réseaux sociaux, les publicités ciblées. Il m'arrive de retrouver incidemment sur mon mur Facebook des appels à la publicité pour un endroit ou pour une ville dans laquelle je suis parti en week-end. De la même chose dans les recommandations dans les moteurs de recherche Google. Les services de transport, par exemple, pour les passes Navigo, pour ne pas parler que d'eux, eh bien, utilisent des statistiques de trafic. Donc savent à quelle heure je suis rentré dans le métro, à quelle heure j'en suis sorti, par quelle station. Ma banque sait à quel endroit j'ai retiré de l'argent et à quel endroit j'ai réglé par carte bleue dans un restaurant. Donc en fait, nous sommes déjà toutes et tous tracé numériquement. Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit de protéger la population d'une maladie, d'un seul coup, ça devient un insondable problème éthique, Benjamin Bayard ? Alors en fait, parce qu'on parle de données de santé et que le secret médical a une raison très particulière. Alors d'abord, tout le traçage qu'on subit en permanence est un problème, mais tout particulièrement, le secret médical a une raison d'être. S'il y a un secret absolu entre mon médecin et moi, c'est pas juste pour décorer, c'est parce que c'est une condition absolument indispensable. Si je ne suis pas certain que ce que je dis à mon médecin est confidentiel, je ne vais pas lui parler. Si je peux pas parler des problèmes honteux à mon médecin, je vais pas parler de mes problèmes de santé, parce que quand on a tout ce qui touche au corps dans nos cultures est souvent plutôt du côté honteux, et tout ce qui touche au dysfonctionnement du corps est souvent du côté honteux. Et en fait, il y a une quantité phénoménale de pathologies qui ne sont pas traitées si on n'a pas un rapport de confiance absolu dans son médecin. Et donc, il est vital que les gens qui vont parler avec un médecin aient un sentiment de confiance et qu'ils sachent que ce qu'ils diront à leur médecin, personne ne le saura. Ni mon conjoint, ni ma mère, ni mes enfants, ni mon patron, ni le député du coin... Personne ne doit savoir. Sinon, je ne dirai rien. Sinon, je vais cacher que je suis malade parce que j'ai peur que ça se sache et que je perde mon boulot ou je me fasse jeter des cailloux dans la rue. Et du coup, je ne vais rien dire. Et ce sera pire que tout parce que ça veut dire qu'on aura des problèmes sanitaires qui ne sont pas traités. Et il vaut mieux du secret absolu qui permet aux gens de venir dire « je suis malade » que de porter atteinte au secret médical qui brise la confiance entre le médecin et le patient et où du coup il ne peut plus y avoir de soins. Sur Covid, c'est pas forcément le truc le plus dramatique parce que c'est pas une maladie honteuse, etc. Parce que pour le moment, on n'a pas vu de chasse aux sorcières en France. C'est en Corée du Sud, je crois, que ça commence à virer à la ratonnade homophobe à certains endroits. Parce que on a trouvé des traces de contamination dans des boîtes de nuit du milieu gay. Il faut faire très très très attention avec les données de santé et avec la notion de secret médical. Ce secret est absolu, c'est un des plus inviolables. Il est plus solide dans le droit que le secret qui lie l'avocat et son client. Et pour des raisons vraiment importantes. C'est-à-dire que si le secret médical n'est plus une chose dans laquelle je peux avoir confiance, je sais déjà que mon banquier me surveille par ma carte bleue, que mon opérateur de téléphonie me surveille par mon téléphone, que tout le monde collecte des données en permanence. Si en plus je soupçonne que mon médecin communique des choses de mon état de santé à quelqu'un d'autre que moi, alors j'ai plus confiance. Et en touchant à ce lien de confiance, on crée un risque sanitaire beaucoup plus grand. Mais alors, Emmanuel Thomé d'abord sur cette question. Vous partagez le point de vue de Benjamin Bayard, c'est la dernière forteresse des données qui sont protégées. On sait par ailleurs que certains grands acteurs d'Internet, notamment que Google a des vues, enfin que Google pas seulement, Facebook aussi, ont des vues sur les données médicales, essayent par coups de boutoir successifs de pouvoir s'en approprier une partie. C'est ce qui pose le problème aujourd'hui avec StopCovid. Selon vous ? Effectivement, il y a un aspect aussi, c'est que faut quand même bien avoir à l'esprit que pour l'essentiel de ce qu'on fait, les aspects de localisation, on peut tout à fait vivre en essayant de les éviter autant que faire se peut. Je peux ne jamais activer les services de localisation sur mon téléphone. Je peux faire en sorte d'utiliser un navigateur internet qui refuse toutes sortes de cookies, etc. C'est tout un ensemble de choses sur lesquelles on peut dire, ok, d'accord, c'est peut-être cool d'avoir une notification de mon téléphone sur le fait que je suis déjà allé dans un restaurant dans ce quartier-là, mais je peux aussi ne pas le souhaiter, ce gadget, et en retour, ne pas être pisté par Google sur mes allées et venues. Là où c'est un peu compliqué avec cette chose qui touche aux données de santé, c'est que on voudrait faire jouer la corde sensible des gens. Si vous voulez rester en bonne santé, alors il faudrait que vous utilisiez cette application qui ouvrirait la porte peut-être à des dévoiements amenant à du traçage. Et ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement, d'abord, les gens sont parfois très réactifs à l'argument de santé. Et puis effectivement, comme le disait Benjamin Bayard, les données de santé ont vocation à être secrètes, ça paraît élémentaire. Mais ces données de santé, Benjamin Bayard, elles sont collectées sur des serveurs de l'assurance maladie, par exemple. Et ces serveurs, aucun serveur, si je vous crois depuis le temps que je vous écoute et que nous discutons ensemble sur ces questions-là, aucun serveur n'est inviolable. Ben, pour le coup, autant que je sache, les serveurs de l'assurance maladie contiennent toujours le moins d'informations possible. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous allez sur votre compte Amélie, vous retrouvez combien a été remboursé à la pharmacie bidule à laquelle vous allez acheter vos médicaments. Il n'y a pas la liste des médicaments dedans. La pharmacie sait ce qu'elle vous a délivré comme médicament, et elle a gardé une image de l'ordonnance, mais le serveur central, je ne crois pas qu'il ait la liste des médicaments. Et en fait, qui a accès à la liste des médicaments qui vous a été délivré, c'est quelque chose qui est extrêmement restreint. Et au mieux, on saura les médicaments que vous avez pris, on ne saura pas pour quelle pathologie. Si on veut savoir pour quelle pathologie, il faut aller interroger votre médecin. Vous voyez ce que je veux dire ? Les informations sont très séparées. C'est-à-dire, je sais que mon pneumologue a gardé tout un tas de données sur l'état de mes poumons, mais ce n'est pas transmis à la Sécurité sociale, ça. Et il y a une raison que ce ne soit pas transmis, parce que ça ne les regarde pas. En fait, un médecin, un vrai médecin, ils ont pu vérifier, a émis une ordonnance disant que je devais prendre tel et tel médicament, qu'ils doivent m'être remboursés. Et en fait, c'est pas le boulot de la Sécu de savoir si c'est légitime ou pas. S'il y a une suspicion de fraude, ils feront des enquêtes, mais il n'y a pas de transmission a priori des données. Et en fait, il y a très peu de données qui sont transmises et conservées de manière systématique. Typiquement, le projet de dossier médical partagé est un véritable casse-tête en termes de sécurité informatique depuis, je sais pas, ça doit faire 20 ans, ce serpent de mer. Parce qu'il pose des problèmes de contrôle d'accès et qu'il faut être absolument certain que les données ne vont pas fuiter, que très peu de gens y accéderont, qu'il n'y aura jamais d'accès en masse, etc. Par exemple, sur les données de ce serveur central autour de StopCovid ou de CIDEP, il y a un des usages qu'on peut envisager qui est de dire, après, quand l'épidémie sera finie, on pourra reprendre cette masse de données et étudier, faire des études d'épidémiologie sérieuses avec beaucoup de données très riches. Eh ben non. On peut pas. Parce qu'en fait, pour faire ça, il vous faut l'accord des malades un par un. Et donc, soit j'ai donné mon accord préalablement et j'avais le droit de refuser et ce refus ne portait pas à conséquence pour moi, soit on peut pas utiliser mes données de santé. Et vous voyez, ça, par exemple, c'est une limite éthique qu'il ne faut pas franchir. Je vais rebondir sur, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions ou de commentaires d'auditrices et d'auditeurs en ce moment sur notre fil Twitter @lamethodefc qui reviennent sur cette question. Peut-être que c'est un peu technique, mais tout de même c'est intéressant, de serveurs centralisés et décentralisés. Florent Morin par exemple nous dit: l'approche décentralisée, de par son volume minimal de données en transit, permet en plus de brouiller les infos en envoyant de fausses données chiffrées. Cela permettrait de ne pas savoir si une personne est malade et encore moins de connaître ses identifiants. On a quelqu'un, Yves Agostini, qui nous dit: la centralisation des données est une mine d'or pour les escrocs, tout le monde peut devenir la cible d'escrocs, l'accès aux données de façon individuelle ou globale n'est jamais totalement garanti. Il y a tout de même un enjeu apparemment qui interroge un certain nombre de personnes et qui laisse entendre que le serveur centralisé ne serait peut-être pas la meilleure méthode, justement précisément pour protéger ces fameuses données de santé si précieuses, Emmanuel Thomé. Je pense que c'est un petit peu une erreur de se focaliser sur les mots centralisés ou décentralisés, parce que certes dans l'aspect centralisé il y a des points centraux qui sont effectivement sensibles, bien évidemment, mais je pense que ce qui est plus important de garder en tête, c'est qu'il y a des difficultés qui sont vraiment inhérentes à toute application de traçage, et ça va au-delà de la distinction centralisée ou décentralisée, des problèmes qui peuvent donner lieu à toutes sortes de dévoiements. On a parlé beaucoup de l'aspect vie privée. Je peux donner un exemple sur l'aspect qui peut être des risques économiques, par exemple. Bien sûr, je vous en prie. Avec une application de traçage, vous pouvez imaginer une situation où, puisqu'il est question d'échanger des signaux par le Bluetooth entre des téléphones, vous pouvez imaginer une situation où je veux déstabiliser une entreprise concurrente, je vais recruter des personnes qui sont régulièrement au contact de malades potentiels, de gens qui travaillent dans des hôpitaux, etc. Je vais faire en sorte que ces personnes collectent plein d'informations par le Bluetooth. Et je vais également aller recruter des personnes qui travaillent à proximité des salariés de cette entreprise. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place un système de relais à grande échelle entre les données émises et reçues par les uns et les autres. Une sorte de VPN, un petit peu pour les spécialistes de ce genre de choses, qui fasse un pont virtuel entre des personnes qui se sont jamais vues. Mais grâce à ce pont, je vais en fait faire en sorte que tous les téléphones des salariés que je vais avoir touchés dans mon entreprise cible se retrouveraient à avoir eu l'impression d'être en contact avec une cohorte de gens potentiellement malades. C'est des contacts faux, d'une certaine façon, et puis c'est un petit peu compliqué à mettre en place, mais c'est absolument pas impossible. Et donc ça fait de l'existence de ce type d'outil de traçage une arme de déstabilisation économique qui est quand même tout à fait préoccupante. Et ça, ce sont des risques qui sont inhérents à une application de traçage. Et bon, la question centralisée, décentralisée par rapport à ça me paraît pas la plus essentielle. On a tendance à trop se focaliser sur le mot centralisé. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Il y a 16h, un peu plus de 50 minutes passées. Un dernier tour d'horizon. J'aimerais qu'on évoque aussi, tout de même, peut-être quelque chose d'essentiel, au-delà de ces questions qui sont tout aussi essentielles, évidemment, d'éthique ou de sécurité, qui est peut-être tout simplement la question de l'efficacité. On a regardé avec l'équipe de la méthode scientifique un certain nombre d'études. Il y a un papier qui a été publié dans Science qui dit que, bon, ces applications, malgré tout, sont relativement efficaces. D'ailleurs, elles sont efficaces principalement si l'application est installée et utilisée par la population à hauteur de 60% des utilisateurs. Je vous le disais tout à l'heure, j'en parlais Benjamin Bayard à Singapour, qui est une cité que l'on dit très technophile. L'application n'a été téléchargée et utilisée que par 17% des gens. Aujourd'hui, quelles sont les garanties que l'on a d'arriver à ce taux de couverture? Et question accessoire, c'est une question deux en un. Aujourd'hui, par exemple, on parlait des transports en commun. Le Premier ministre disait: dans les transports transports en commun, on ne sait pas avec qui vous avez été en contact. Néanmoins, aujourd'hui, les masques étant strictement obligatoires dans les transports en commun, qu'est-ce qui me dit que j'ai pu contracter quoi que ce soit? Comment l'application peut savoir si quelqu'un porte un masque et qui est à côté de moi, je suis malgré tout protégé par le masque, ou si la personne est juste à côté dans la rame d'après, qu'est-ce qui garantit que j'ai vraiment été de facto en contact suffisamment proche avec elle pour que je sois moi-même exposé à ce risque? Voilà, deux questions, vous avez 5 minutes l'un et l'autre. Benjamin Bayard. Il y a bien deux éléments distincts. Il y a tous les faux positifs de l'application. Typiquement, le mur qui sépare mon appartement de l'appartement de mon voisin est très fin, et donc, si nos téléphones sont tous les deux allumés, on est réputé être en contact, alors que le mur ne laisse passer aucun virus, bien plus efficace qu'un masque. Donc oui, il y aura des faux positifs, mais les faux positifs sont pas forcément très graves. C'est-à-dire que l'application va vous dire vous avez peut-être été en contact avec quelqu'un de malade. Bon, au pire vous allez passer le test, et puis les résultats viendront et ils vous diront bah non, tout va bien. Ou les résultats diront vous l'avez attrapé et c'était pas du tout lié à ce contact-là. Le deuxième élément, c'est sur le taux d'utilisation de l'application. Mmh. Alors, pour le coup, effectivement, j'ai lu aussi des choses sur ce chiffre de 60%. J'ai aussi lu le contraire. Parce que de fait, même si très peu de gens l'ont, mettons dans les gens qui sont dans le même wagon que moi dans le train, on est 40 dans le wagon, en fait, on n'est que 5 à avoir l'appli, ça fait donc à peine plus de 10%. Et ben, il n'empêche que si l'un d'entre nous était malade et a craché son virus dans tout le wagon, sur les 40, il y en a au moins 5, enfin 4 qui seront prévenus. C'est toujours ça de prix. Parce que pour le coup, 60% c'est totalement illusoire, quelle que soit l'application retenue. Ce ne sera que sur les gens qui ont des smartphones et pas des téléphones tout simples. Donc déjà, ça fait pas tout à fait, enfin ça fait pas un pourcentage très élevé de la population. Ce ne sera que sur les gens qui ont un téléphone moderne, récent. Donc même si tous les gens susceptibles d'installer l'application l'installaient, ça ferait peut-être 25% à tout casser, quoi. En France, 77% de la population qui est équipée d'un téléphone dit intelligent. Oui, mais avec pas mal d'anciennes versions, avec pas mal de téléphones qui sont plutôt bas de gamme, qui n'ont pas tout à fait toutes les options, etc. etc. Donc je pense que 17% atteint à Singapour, c'est pas très très loin de l'optimal, quoi. Mmh. On peut peut-être espérer 25 ou 30, mais on peut pas espérer 60, ça n'a pas de sens. Emmanuel Thomé, sur ces deux questions, rapidement. Oui, je suis d'accord qu'on ne peut pas espérer un taux de pénétration de l'application qui soit considérable. En tout cas, ce n'est pas parce qu'il y a 77% de la population qui a un téléphone portable qu'on peut ne serait-ce que s'approcher de ce taux d'adhésion dans la population. Je pense que de mes parents et beaux-parents, aucun n'a un téléphone qui serait susceptible d'installer l'application parce que trop ancien... etc. Je pense que c'est effectivement le cas de beaucoup de gens. Le seul spectre regardable, ce sont les smartphones récents, parce que je pense qu'aucune application installée en 2020, sauf à faire un effort vraiment considérable, ne pourrait s'installer sur un téléphone de 2014 ou 2013. On arrive à la fin de cette émission, juste peut-être un mot de conclusion pour vous dire que pour le moment, évidemment, cette application, il y a encore un certain nombre de barrières avant sa généralisation. On attend notamment une décision définitive de la CNIL. Normalement, si tout va dans le bon sens, le gouvernement envisage un éventuel déploiement à partir du 2 juin. On vous tiendra bien sûr informé de la suite et éventuellement du déploiement de cette prochaine application. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Benjamin Bayard et Emmanuel Thomé, d'être venus nous en parler et d'évoquer avec nous les inquiétudes ou les limites qu'il peut y avoir à ce type de traçage sanitaire de la population. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Noline Guette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Céline Lausanne, Olivier Bétard à la réalisation et Jean-Frédéric aujourd'hui à la technique. Demain, eh bien, nous évoquerons une autre des conséquences de cette épidémie et du confinement. Nous évoquerons les conséquences pour le monde de la recherche, des travaux suspendus, des crédits gelés, des budgets réaffectés. Comment la recherche dans son ensemble, et pas seulement la recherche biomédicale, va sortir de cette période? C'est la question que nous nous poserons à 16h. Avant cela, on se retrouve comme tous les matins de la semaine à 8h55 pour la radiographie du coronavirus, à 16h pour la méthode scientifique en direct, et bien comme toujours, jusqu'à preuve du contraire.